Je salue tous les frères et sœurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir prêté la vie encore aujourd'hui. Ce n'est pas pour que nous puissions tout simplement vaquer à nos préoccupations. C'est pour que nous puissions l'adorer. Pour que nous puissions l'écouter. Et pour que nous puissions prier encore. Et avant d'ouvrir la Bible, je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, je te remercie une fois encore pour avoir conduit nos pas en ces lieux pour lesquels David disait: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous y voici maintenant, ô Dieu. Nous t'avons loué. Maintenant, aide-nous afin que ta parole puisse nous être accordée. Je me recommande moi-même entre tes mains afin que tu puisses m'effacer de la scène et que tu puisses mettre quelque chose dans ma bouche et que je me mette à la répéter. Je crois que tu le feras car je demande avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre un beau type dans l'Ancienne Alliance pour compléter la pensée sur notre sujet. Nous allons lire dans Nombre, au chapitre 21. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils partirent de la montagne des Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Verset 4, bien sûr. Pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Musa akalomba juu ya taifa. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la yoyote atalumiwa na kuangalia kuile nyoka atachunga bujima. Moïse fait un serpent de rein et le plaça sur une perche. Musa kafanya nyoka ya shaba na kaiweka kumuchi. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de rein conservait la vie. Na yoyote alikuwa analumiwa na ile nyoka akiangalia kuile nyoka ya shaba na alianza kuchunga bujima. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu ongeze mabaraka kusomea neno yake. Nous prenons ces beaux types dans lesquels nous allons trouver de quoi parler aujourd'hui. Ce fut du temps où Israël était en cours de chemin vers la terre promise. Ilikuwa ni wakati ile Israel balikuwa munjia ku inchi ya malako. Mais ce peuple arriva à s'impatienter devant l'Éternel. Lakini taifa ikashindwa kuya na uvumilivu kumbele wa milele. L'Éternel fut en colère. Mwamilele akashirika. Et les renvoya de serpents brûlants. Nakabatumia manyoka ya moto. Qui a mordu beaucoup de personnes et beaucoup d'entre elles aussi mourir. Ile iriluma bantu mingi na ba mingi katikati yabo balikufa. Quand le peuple commença à pleurer devant l'Éternel, wakati taifa ilianza kumulilia wa milele, ils allèrent voir le conducteur. Balienda kuona kiongozi. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Même dans notre tabernacle. Hata katika maskani yetu. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, kama kuko kila kiendeke maisha yetu, nous devons consulter chaque fois nos conducteurs. Tunapasha kwenda kuona ba viongozi yetu. Ils peuvent avoir quelque chose à nous dire. Wanaweza kuwa na kitu cha kutuonesha. Car ils veillent sur nos âmes. Jube kuna kesha yule manasi yetu. Et ainsi lorsqu'ils allèrent trouver Moïse. Naivi wakati walenda kuona Musa. Leur requête était à ce qu'ils puissent demander le Seigneur d'écarter le serpent. Itaji yabo ilikuwa ni Musa mlombe wa milele apeleke mbali bale banyoka. Car ils en mouraient de cette morsure. Kwa sababu barikuya na lumiwa na ile manyoka. Parmi le peuple qui voyageait, katia ile taifa ilikuwa natembea. Il pouvait y avoir des médecins peut-être. Kuripasha kukuya taba nganga, sa zingine. Mais leur antidote ne convenait pas pour supprimer le venin que donnait le serpent brûlant. Lakini ile dawa yabo ya kuua sumu haikuenea ku ile sumu ilikuwa nakuya na bale banyoka. Ça ne parvenait pas à apaiser la colère de l'Éternel. Haikuanza kuweza kushimamisha kasirani ya milele. Et même aujourd'hui, hata leo, le péché, Nzambi, ça tue. Iko na uwa. Car il est écrit, sababu imeandikwa, le salaire du péché, c'est la mort. Shahara ya Nzambi ni lufu. Et maintenant, na sasa, quand ils allèrent se plaindre devant Moïse, wakati balienda kulia kumbele ya Musa, la solution de l'Éternel était différente à leur pensée. Jibu ya wamilele ilikuwa na achana na mawazo yabo. Eux voulaient que Jehovah puisse écarter le serpent. Boba lipendaka Yehova apate kupeleka mbali ile manyoka. Mais cela n'était pas le plan de Dieu. Lakini ile ilikuwa mapu ya Mungu. Dieu fait toujours des choses sous type. Mungu yuko anafanya kila mara bintu benye kuya mapu. Et celui qui est de l'église, na ule mwenye kuisula, il va perdre normalement la pensée qui était dans notre Dieu. Atapoteza wazo ilikuwa ndani ya Mungu wetu. Comme beaucoup de personnes mouraient, Moïse a eu une réponse de la part de Dieu. Alors que les gens se mouraient à gauche, en arrière, en avant et à droite, il y avait des pères partout dans les déserts où ils campaient. C'était un problème sérieux, mes frères et mes sœurs. Quand nous lisons ces quelques versets, nous croyons que c'était un petit problème. Quel est le problème qui soit difficile que la mort sur la terre? Et même parmi toutes les épreuves qui peuvent frapper l'homme sur la terre, il n'y a aucune qui soit amère que la mort. Maintenant, Dieu donna la solution à Moïse. Au lieu d'éloigner les serpents, il lui poussa de faire une autre chose. C'est comme aujourd'hui. Le péché est toujours à côté de nous. Dieu ne peut pas sortir tous les péchés de ce monde. Puisque le royaume de Dieu, c'est le royaume des vainqueurs. Il appartient à ceux-là qui vaincront. Comment peut-il y avoir des vainqueurs s'il n'y a pas de tentation? Dieu dans sa pensée a laissé le serpent là. Mais cependant, il a pourvu des moyens au travers duquel il épargnerait ceux-là qui feraient ce qu'il voudra leur dire. Il a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Ufanye basi nyoka ya shaba. Et tu vas l'accrocher au-dessus d'une longue perche. Na utaiweka kumuchi mrefu. Et quiconque sera mordu. Na yeyote atalumiwa. Et qui regardera là où sera perché ce serpent. Na ula tangaria kuile nyoka kule utaweka. À coup sûr, il conservera la vie. Mpaka pale atachunga bujima. Ainsi, Moïse s'est mis en œuvre. Il a cherché une longue perche. Puisque le peuple n'avait pas campé à un seul endroit qui était très rapproché. Ils étaient à peu près 2 millions de personnes. Alors, ils pouvaient chercher une longue perche. De sorte que même celui qui est au loin, lorsque on lui informera de la voie au travers duquel il recouvrirait la vie. Et quand tu le verrais son regard, il puisse néanmoins voir. Dieu est bon. Il a rapproché le salut au plus près de tout et chacun de nous. Si aujourd'hui quelqu'un se perdait, ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu, peut-être parce qu'il se sera entêté de lui-même. Et maintenant, la chose était faite. Je m'imagine qu'on pouvait dire aux jeunes gens de circuler un peu partout afin d'informer quiconque était mordu. Il y a lieu qu'on puisse même aider la personne qui agonisait là-bas. Il y a lieu qu'on puisse aider. Peut-être il était à terre. Il était à l'article de la mort. On l'aiderait de se soulever un peu. On pouvait lui dire, mon frère, ne te décourage pas. Le salut est près de toi. S'il pouvait parler, il dirait, quoi donc? Il pouvait lui dire, notre Dieu nous a envoyé un moyen par lequel nous pouvons encore revivre. Que puis-je faire? Il pouvait lui dire, relève un peu la tête. Regarde de ce côté. Voyez là au loin. Est-ce que tu vois cette ligne verticale? Si la personne pouvait dire, oui, je vois. Il pouvait lui dire, remonte un peu le regard. Remonte un peu le regard. Vois-tu là en haut? Qu'est-ce que tu vois? Je vois quelque chose comme le serpent. S'il disait que je vois quelque chose comme le serpent, automatiquement il conservait la vie. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui est lent à la colère. Et ainsi le message sur qu'il est partout, c'était un bel évangile. On leur disait, regardez et vivez. Et quiconque regardait, il retrouvait la vie encore. C'était la grâce que Dieu leur avait accordée en ce moment-là. Et maintenant, quand Jésus était sur la terre, au devant de Nicodème qui pouvait avoir lu cela, puisqu'en tant que pharisien, il pouvait connaître peut-être l'ancienne alliance. Et maintenant, Jésus lui a ramené quelque chose qu'il pouvait avoir connu depuis longtemps. Mais il ne pouvait pas saisir la compréhension exacte. C'est alors que lorsque nous rentrons encore aux Écritures, dans Jean chapitre 3, au verset 14, ils sont encore là, Jésus et Nicodème. Dans Jean chapitre 3, verset 14, Jésus a dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus-Christ était venu sur la terre pour mourir à notre place. Et maintenant, quand il a dit ça à Nicodème pouvait saisir quelque chose. Quoi? Regardez-la dans le désert. Exactement. Ce qui a été fait là. Comme le serpent était élevé à la vue de tout le monde, le Fils de l'homme, c'était lui Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, mwana wa Mungu devait aussi être élevé de la même manière. Alipashwa na yeye kunyanyuliwa mnamna moya moya. Pour le même, pour la même chose. Juu ya kitu moya moya. Pour le même but. Juu ya kifukuzio kimoya kimoya. Comme on a élevé le serpent. Vile bali nyanyua nyoka. Maintenant le fils de l'homme aussi doit être élevé. Paka vile mwana wa mtu na yeye anapasha kunyanyuliwa. La mort de Jésus était connue de tout le monde. Lufu ya Yesu ilijulikana na bantu bote. Il a été vu de tout le monde. Alionekana na bantu. Celui qui est monté au calvaire. Jésus n'était pas mort en le cachant. On l'a exposé à la vue de tout le monde. De la même manière qu'on avait élevé le serpent d'Airain là dans le désert. Pour la même chose. Pourquoi on a élevé le serpent? C'est parce qu'il y avait des morsures un peu partout. Et maintenant, pourquoi Jésus doit être élevé? C'est parce que le monde entier était corrompu par le péché. Pour le même but. Pourquoi le serpent était-il élevé? C'était que pour quiconque le regarderait et le verrait, il conserve la vie. Et maintenant, pour le même but, Jésus aussi était élevé afin que quiconque regarde à lui et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Cela a toujours intrigué les gens quand Jésus est comparé au serpent d'Airain. D'ailleurs, ce n'est pas un théologien qui a fait cette comparaison. C'est Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un pouvait être intrigué. Pourquoi Jésus s'est comparé à ce serpent de rein? Or, observez quelque chose. Le serpent représentait Jésus d'une certaine manière. Vous avez remarqué que ce serpent était mort. Il n'y avait pas de vie en lui. Jésus est mort aussi. Yesu pia alikufa. Comme Abel était mort sur son autel. Sapaka vile Abel na alikufaka pa mazabao yake. Après qu'il ait offert sur l'autel son propre sacrifice, kisha yekutoa kumazabao sadaka yake mwenyewe. Comme offrande, sawa sadaka. Son frère Caïn l'a tué la même. Nduku yake na yakafanya vile vile. Et il est mort sur le même autel. Akakufa pa ile mazabao moya. Et c'est la même chose. Ni namna moya moya. Pour naître de nouveau, juu ya kuzalika mara ya pili. Nous devons mourir. Tunapashwa kufa. Tout comme Abel était mort Abel sur son autel d'offrande, de sacrifice, et Jésus-Christ aussi est mort sur la croix alors qu'il s'est donné en sacrifice. Pourquoi le serpent était-il en Airain? Dans la Bible, l'Airain représente le jugement. Or, le serpent que Moïse avait suspendu là-bas sur cette perche longue, il était inerte. Il n'avait pas de mouvement. Il était cristallisé. Voyez-vous, mes frères, cela voulait dire que ce serpent qui était cristallisé en Airain représentait le péché déjà jugé. Comme le premier serpent était déjà jugé dans le jardin d'Éden, de la même manière, ce serpent qui a été offert à Israël afin qu'on puisse le regarder, c'était déjà un serpent condamné. Ainsi, pourquoi Jésus était-il condamné? Ou encore, pourquoi Jésus était-il jugé? Il était jugé puisqu'il a pris notre place, puisqu'il a pris nos péchés. C'est pour cela qu'il a été élevé. afin qu'il porte tous nos péchés dans son corps. Comme il est écrit dans 1 Pierre au chapitre 2. Lisons un peu plus rapidement là-bas. 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons un peu pour acheter du temps, verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. C'est vrai. Et quand on observe Jésus, quand on remarque, quand il était sur la croix, il est mort là tout seul. Il a supporté la colère de Dieu. La chose qui devait nous incomber, c'est à nous que la colère de Dieu devait tomber. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus était un innocent. Il a supporté cette peine à notre place. Il est mort sur la croix, et sur la croix tout seul. Abandonné de tout. Même son père l'a abandonné. Le ciel l'a abandonné. Les anges l'ont abandonné. Les apôtres ont fui. Tous les disciples ont fui de lui. Il était là-bas tout seul, souffrant sur le bois de calvaire, à cause de toi et à cause de moi. Pourquoi il subissait notre peine? Et lui qui était Dieu, il a supporté toutes ses souffrances au point que, la nature elle-même n'a pas pu supporter. La terre avait tremblé. Et le soleil s'obscurcit ainsi que tous les luminaires. Pourquoi cela? Parce qu'il était maudit. Comme il est écrit dans les Écritures, qu'elle soit maudit celui qui est pendu sur la croix. Mes frères, mes sœurs, le péché c'est une malédiction. Au lieu que toi et moi soyons maudits, Jésus-Christ a pris notre place. Le péché l'a tué. C'est pourquoi, mes frères, il n'est pas bon de rentrer encore dans les souillures de ce monde. C'est comme si vous vouliez retourner encore Jésus-Christ sur la croix. Et maintenant, mes frères, le serpent était cristallisé, sans mouvement. Jésus-Christ était redescendu de la croix. Froid. Baridi. Retenez un peu la chose. Il était unanime. Il ne pouvait plus faire ce qu'il pouvait faire. Puisque quant à la chair, il était mort. Et maintenant, toi et moi, pour être nés de nouveau, nous devons aussi mourir quant au péché. Pour naître de nouveau, comme nous venons de nous le répéter ici, nous devons passer par le processus de la mort. Tous ceux qui espèrent revivre doivent premièrement mourir. C'est pourquoi même selon la nature, nous qui sommes cultivateurs, nous en avons un peu de l'expérience. Tout grain qui veut revivre, le maïs, l'arachide, le blé, les légumes, les arbres et tout consort, ils doivent avant tout procéder par mourir, enterrer, pourrir. Et après cela, ça va redonner encore un germe pour se reproduire encore. Et le prophète dans sa prédication dit ceci: si tous ceux qui père qui veut le revivre doit mourir premièrement. Comment est-ce que toi et moi qui voudrions revivre éternellement échapperions-nous à ne pas mourir tant à la chair? Donc nous ne devons pas échapper à la chose. Quoi que la nouvelle naissance fait du mal, mais c'est ça le plan de Dieu. Alors chacun parmi nous doit passer par cela. Et même aujourd'hui, à midi, pour bien vivre, pour garder la force vitale dans nos corps, nous avons mangé et quelque chose a été tué. Si vous avez mangé du poisson, on a tué le poisson. Et si vous avez mangé des légumes, les légumes ont aussi une vie végétale dans elles. On les a coupés, on les a tués, on les a pilés dans les mortiers, on les a mis au feu, et cela est devenu une nourriture. Si pour cette vie passagère de la terre nous survivons en utilisant des choses mortelles, à combien plus forte raison pour la vie éternelle? Il fallait que quelqu'un meure pour nous donner la vie éternelle. Et la personne qui était morte pour nous donner la vie éternelle, ce n'est rien d'autre si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Ainsi, nous aussi, nous ne devons pas échapper à la condition divine. C'est la filière au travers de laquelle chaque personne doit passer. Néanmoins, je parle à ceux-là qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui veut vivre éternellement doit accepter de mourir. Et cette mort, ce n'est pas la mort physique, non. C'est tuer la puissance qui est dans nos membres. Comme il est écrit dans Colossiens, au chapitre 3, il est écrit ceci. Colossiens chapitre 3, au verset 3. Ou bien nous commençons au verset 1er. Nous sommes ici pour la lecture. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et maintenant le docteur Paul continue, il écrit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Je m'arrête un peu là. Les mauvais désirs ne sont pas visibles. C'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme. Quelqu'un peut se nommer chrétien, mais il est toujours alimenté des mauvais désirs. Et le frère Paul dit ceci: tu es même ça. Faites mourir les mauvais désirs dans votre cœur. Regardez mes frères, dans la nature, lorsqu'un oiseau veut faire un nid, il ne viendra pas avec un fagot d'herbe pour déposer cela entre les branches. Non. Il amènera une première herbe qu'il va entrelacer entre les branches. Il amènera une seconde, une troisième. Venez 4 jours après. vous allez rencontrer que le lit est déjà bien fait. Et c'est ainsi. Quand les mauvaises pensées commencent, voulez-vous me dire que le mauvais désir vient de Dieu? Non. Les mauvais désirs viennent du diable. Celui qui en est l'auteur. Quand vous commencez à développer les mauvais désirs en vous, qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'un enfant de Dieu qui vit dans la lumière? Vous devez déjà vous agenouiller, même si cela ne se voit pas encore. Mais toi-même, tu sais dans ton cœur, quand ce jour je suis dominé par les mauvais désirs. Maintenant, tu vas dire à votre Dieu, Seigneur Dieu, aide-moi, enlève ça, puisqu'il est écrit dans les Écritures que nous devons avoir les pensées qui étaient dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous devons faire mourir les mauvais désirs et la cupidité. La cupidité amène les enfants de Dieu à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire à cause de la cupidité. Et la cupidité, qui est l'idolâtrie? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. C'est ça la mort. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez mourir et renaître, c'est ça la mort. Quand la colère vient, ne la laissez pas libre cours, car il est écrit quelque part que la colère réside sur la poitrine d'un insensé. Avec cette colère, j'ai rencontré un frère qui était l'auteur de la mort de son enfant. Son enfant avait une mauvaise conduite. Il volait chaque fois des choses dans la maison. Il arrivait même à voler de l'argent dans la maison. On a conseillé l'enfant. On a échoué. Mais mon frère, si vous avez échoué, ne lui donnez pas de points. La Bible dit, c'est la verge. C'est ça la Bible. Ce ne sont pas les coups de tête. Vous commencez un morceau de planche, vous commencez à fouetter l'enfant. Et si Dieu votre père prenait des punitions comme des planches, persisteriez-vous encore? Mais Dieu est toujours là en train de nous conseiller de jour le jour. Si nous étions parfaits, l'enlèvement aurait déjà eu lieu. Comme nous sommes encore imperfectionnés, c'est pourquoi nous venons chaque jour cherchant la face de Dieu. Et la parole de Dieu nous aide à nous défaire. Et la parole de Dieu parviendra à nous faire parvenir à la perfection. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est faire un avènement. Il s'est pris de son enfant. Il a donné des coups. Il soulevait l'enfant. Et il cognait la tête contre le mur. Et la sœur lui disait, chérie, même avec ta colère là, lui disait, laisse-moi. Tu veux que je te mélange aussi où j'ai fait? Elle disait, mais ce n'est pas ça. Et c'était comme cela l'habitude de ses frères. Quand cet enfant était surpris en faute, à cause de sa colère, mes frères, la Bible dit, renoncez à la colère. La colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Chaque fois il faisait cela. Chaque fois il faisait cela. Sans le savoir, il a détruit certains nerfs dans le cerveau de l'enfant. Et une fois, il avait une malformation d'un côté de la tête. Et ça continue maintenant à gonfler. Maintenant, au lieu de le tuer, il a eu maintenant pitié. Il fallait le laisser mourir. Maintenant, il l'a amené à l'hôpital. Quand on a consulté l'enfant, c'était déjà trop tard. Cette nerf du cerveau était gravement touchée. Et l'enfant a perdu la vie. Dans la maison, mésentente totale. On était sur le point de rompre même le mariage. Le frère, à cause de soucis, il a fait un an sans porter les souliers. Il a fait un an sans porter les souliers, sans échanger les habits. Pourquoi? À cause de la colère. Mourez mon frère quant à la colère. Quand vous voyez que la colère revient à toi, en toi, et tu commences même à trembler, est-ce que c'est le Saint-Esprit ça? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les démons. Même devant votre épouse, quand vous êtes en colère, et que vous commencez à trembler, renoncez. Vous n'allez pas frapper des gifles. Vous allez ramasser les bois sur la tête de ma soeur. Et quand elle va crier, pour toi tu verras qu'elle est en train de rire. C'est ça la colère. Hein, je t'ai donné un coup, tu fais semblant de pleurer. C'est parce que ça lui fait mal. Mais puisque tu es en colère, même l'oreille ici ne te fait pas comprendre qu'elle est en train de pleurer. Toi, tu entendras comme si elle est en train de rire. Et tu vas continuer à frapper, jusqu'à endommager la face de votre belle femme. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. La Bible est vraiment riche en vocabulaire. Vous revêtez premièrement un homme nouveau et il se renouvelle encore. C'est vraiment beau. Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc l'homme nouveau, c'est un état spirituel qui entre en nous par la puissance du Saint-Esprit. Ne le voudras-tu pas mon frère? Ne le voudrez-vous pas ma soeur? Se revêtir d'un homme nouveau. Et ainsi mes frères, mes soeurs, la nouvelle naissance consiste en ces deux choses: le dépouillement du vieil homme et le revêtement du nouvel homme. Comme des soldats qui sont vaincus, nous qui étions qui provenions du milieu où il y a eu beaucoup de guerres, nous voyons des soldats vaincus. Au lieu de garder sa tenue militaire, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait cela et jetait cela en brousse, même les souliers, et il suppliait aux civils de leur donner de nouveaux vêtements. Nous avions été des militaires quant à la chair. Maintenant, dépouillons-nous de ces œuvres mortelles et revêtons-nous du nouvel homme. Que Dieu vous bénisse. Donc, mes frères et mes sœurs, nous devons mourir. C'est une obligation. Comme le maïs meurt, comme l'arachide meurt, comme le blé meurt, nous aussi nous devons accepter de mourir. Ce n'est pas la condition du tabernacle, c'est la condition du créateur, c'est la condition du sauveur, puisqu'il veut nous élever afin que nous soyons des princes dans son royaume. Et pour hériter ce royaume, en voici la condition: il faut accepter de mourir. Il faut que la chose soit perceptible. Comme a écrit le frère Franck quelque part, il a écrit dans le christianisme traditionnel, il dit ceci: la nouvelle naissance, c'est un événement intérieur perceptible. C'est ce que tu es à l'intérieur qui va s'extérioriser. Il n'y a pas une nouvelle naissance cachée. La nouvelle naissance est perceptible. Si la personne a changé, et même les voisins le sauront. Même au travail, on le saura. Même dans le voisinage, même au champ, c'est quelque chose de perceptible. Vous ne pouvez pas cacher. C'est une richesse qu'on ne peut pas cacher. Que Dieu vous bénisse. Et pour acheter un peu du temps, nous prêchons les messages. Et quelquefois, nous sommes obligés de lire quelque chose ici. Laisse-moi un peu vous laisser ici. Voilà. Au paragraphe 69, je vous lis ici. Vous devez naître de nouveau de 1961. Donc ça doit mourir. Bon, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page maintenant. Vous dites, Frère Branham, je viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de l'église. Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et repartir à zéro. Ce n'est pas cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous, vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous tenez dans sa présence. N'est-ce pas à ça qu'on avait commencé le premier jour? N'oublions pas, mes frères et sœurs, que Dieu est partout. Dieu nous voit. Même quand nous sommes ici, il y a son œil là au-dessus qui observe même nos pensées maintenant quand nous sommes en train d'entendre ces prédications. L'œil de Dieu est dans nos chambres. L'œil de Dieu est dans nos bureaux. L'œil de Dieu est partout. Nous devons en avoir conscience. Puisqu'un enfant de Dieu doit savoir que lorsque je parle comme ceci, il y a une oreille qui m'écoute. C'est l'oreille de Dieu. Mes frères et mes sœurs, pour être né de nouveau, chaque fois nous devons frapper notre poitrine et dire: mea culpa, j'ai péché. Et que vous saviez la voie, que vous suiviez la voie des méthodistes, des baptistes ou de quoi que ce soit d'autre, vous devez être si coupable et vous sentir tellement coupable au point que cette culpabilité vous tuerait. Ça, ce sont les vocabulaires du message. Oui, bien sûr. Quand vous avez beaucoup senti cette culpabilité, je ne marche pas bien dans la voie de Dieu. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. C'est ce qui fait couler des larmes. On n'en fabrique pas. C'est le poids de la culpabilité dans le cœur qui fait que des fois, même en priant, on commence presque à bégayer. Puisqu'on ne sait qu'exprimer à notre Dieu afin que nous recevions le pardon. Et des fois, on échoue même d'ouvrir la bouche. On n'est que des mimiques. Et c'est alors que le Saint-Esprit intervient et qu'il prononce les mots que vous échouez à prononcer devant le trône de la grâce de Dieu. C'est cette culpabilité-là. Nous sommes des coupables devant Dieu. Ok. Dio. Cela vous tuerait. Votre vie mondaine mourra sur les champs. Vous devez vous sentir si coupable dans la présence de Dieu que votre vie mondaine mourra sur les champs. La question du péché sera réglée pour vous quand vous vous tiendrez dans sa présence. Où est Dieu? Dieu est invisible. Nous devons faire de sorte que nous le voyons dans nos cœurs. Au point que lorsque nous prions, nous le voyons assis là au devant de nous, nous lui ouvrons notre cœur et nous lui disons: Seigneur, même toutes ces années que j'ai fait dans le tabernacle, regarde ce que je suis, regarde ce que je suis, regarde ce que je suis. Au fur et à mesure que vous continuez à énumérer vos défauts, cela vous pousse maintenant à sangloter. À un cœur humble, Dieu amènera la paix du cœur. Mais à celui qui se vante, qui compte les années qu'il a fait dans le tabernacle, il restera tout simplement avec sa gloire. Mais Dieu a besoin de personnes qui s'humilient. La mort est exigée. Et si nous lisons encore par 191, de la même brochure, vous devez naître de nouveau. Nous lisons: vous devez naître né de nouveau. Nous commençons au paragraphe 190. En vérité, je vous l'ai dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. N'essayez pas de le comprendre. Vous ne le pourrez jamais. Jésus a dit que vous ne le pourrez pas. Acceptez cela seulement. Acceptez cela sur base de la parole. N'y entrez pas en aveugle maintenant, disant: Ô Seigneur, donne-moi une sensation. Non. Seigneur, écoute. Non. Dites simplement: Seigneur, tue-moi. Ôte de moi le monde. J'aimerais encore, j'aime encore les choses du monde. Si je m'hasardais d'ici de dire: celui qui aime les choses du monde, qui lève un peu son doigt. Combien auront l'audace de lever leurs doigts? Les autres vont dire: non, je suis déjà baptisé. Mais si on voit en tout, il y a encore des particularités mondaines qui se manifestent encore. C'est pourquoi l'homme heureux, comme David s'est exclamé, il a dit: heureux l'homme dont l'Éternel n'impute plus le péché. C'est une grande bénédiction. Lorsque vous sentez la paix dans votre cœur, si vous avez encore l'amour du monde, il faut en parler à notre Dieu par la prière. Alors, je ne parle pas de la création. Le monde, ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas la beauté et les histoires pareilles. Ce n'est pas à cela que je parle. J'ai fait allusion à la convoitise, à la suivre, au système du monde et à toutes ces choses du monde, qu'elle meurt simplement, tout simplement, elles n'auront plus d'emprise sur vous. Elles deviendront nauséabondes pour vous. Je ne comprends pas seulement comment les gens peuvent y vivre. Les choses du monde sont tellement nauséabondes pour un frère et une sœur spirituelle. Les choses de ce monde sont vraiment nauséabondes. Vraiment, nous nous étonnons comment un frère, une sœur baptisée peuvent encore retourner dans les choses du monde. Non, ils n'ont pas goûté la nouvelle naissance, puisque la nouvelle naissance, c'est un engendrement. C'est la parole de Dieu qui est entrée dans le cœur de l'homme, qui lui fait faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant qu'il ne soit né de nouveau. Alors en ce moment, vous pleurez. Plus vous voyez cela, plus vous en devenez malade. C'est-à-dire, quand vous voyez les choses du monde, cette nausée-là vous rend même malade. C'est pourquoi ce n'est pas facile pour un enfant de Dieu de vivre dans un milieu nauséabond spirituellement. Oui, monsieur, vous ne pouvez faire de compromis avec cela. mapatano na ile. Il n'y a pas de place pour vous. Hakuna fuashi kwako. Pour les compromis. Juu ya kufanya mapatano. Il n'y a pas de place pour vous. Hakuna fuashi kwako. Là où il y a le monde. Fuashi ni kwa dunia. Vous êtes mort à ces choses. Unesha kufa kwa bile bintu. Et comment pouvez-vous? Na namna gani unaweza? Une fois mort au monde. Kisha wewe kufa mudunia. Vous associez de nouveau à ces choses. Kujiunga tena kwa bile bintu. Vous ne le pouvez pas ainsi. Hauwezi kuifanya vile. Ne le faites pas. Apana kuifanya. Mourez aux choses du monde. Kufa kubintu bya dunia. Et si nous voulons confirmer cela avec les Écritures, hivi tunapenda kuhakikisha kupitia le monde c'est quoi? Dunia ni nini? Fuyez le monde. Kimbia dunia. Le monde c'est quoi? Dunia ni nini? C'est comme nous venons de le lire ici. Ni vile tunatoka kusoma hapa. Et dans 1 Jean chapitre 2. Yohana wa kwanza sura ya pili. Verset 15. Mstari wa 15. Nous lisons ce qui suit. Tunasomele nafata. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Apana kupenda dunia na vitu vyenye kuya mudunia. Si quelqu'un aime le monde, kama mtu anapenda dunia, l'amour du Père n'est pas en lui. Mapendo ya baba ina ndani yake. Car tout ce qui est dans le monde, sababu vyote vyenye kuya mudunia, la convoitise de la chair, tamaa ya mwili, la convoitise Dieu, tamaa ya macho, et l'orgueil de la vie, na kiburi kya maisha, ne vient point du Père, haitoke kwa baba, mais vient du monde, lakini natokea kwa dunia. Et le monde passe, na ulimwengu unapita, et sa convoitise aussi, na tamaa yayo. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, lakini yule anayefanya mapenzi ya Mungu anadumu milele. La convoitise de la chair est trompeuse, ma tamaa ya mwili iko ya udanganyifu, elle ne nous amènera nulle part, haiwezi kutupeleka fuashi, si ce n'est que dans le feu, isipokuwa tu moto. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui commence à entrer dans l'emprise de la convoitise, je vous en supplie, mon frère, ma soeur, de fuir la convoitise du monde. Elle est meurtrière. Et la convoitise, c'est le caractère des inconvertis. Pendant que la prostitution est le caractère des personnes à esprit faible. Tu es marié. Tu n'as pas achevé la femme à laquelle tu t'es marié. Tu commences encore à convoiter d'autres femmes. Tu vas mourir à cause de cela. Utakufa juu ya ile. Tu vas perdre la vie éternelle, le royaume de Dieu à cause de cela. Utapotesha mshono milele juu ya ile. Si même on te donnait toutes les femmes du monde, elles deviennent à toi. Ataka mama nakupatia banamke bote ba mudunia banakuwa bako. Tu en mourrais. Utakufa. C'est la vérité. Ni ukweli. Tu t'es marié à une femme longue. Unaoa bibi mrefu. Maintenant tu regardes. Sasa unaanza kuangalia. Des petites femmes sont meilleures. Ah banamke bafubio bazuri. On te donne une petite, mufupi, tu commences à envier des grosses. Toujours toi. Paka wei. On te donne des grosses, tu commences à envier des blondes. Mais finalement, c'est quoi? Sasa ni nini? C'est un mal qu'il faudrait éviter. Ni bubaya bulu unapasha kuepuka. Si vous présentez cela, kama uko nashikia ile, Paul nous dit, renoncez à ces choses. Ukatale kubile bintu. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, et il y a même des sœurs qui convoitent les maris d'autrui. Oh, c'est la sœur telle qui a vraiment un mari. Ce sont des maris présentables. Il y a des maris présentables et des maris qui ne sont pas présentables. Pendant qu'il y a de nos sœurs qui cherchent la moitié, une phalangette de maris. Une phalangette seulement, mon frère. Qui pende tout, ya bwana. Mais toi tu y en as, tu commences à envier d'autres. Renoncez à cela. J'ai vu des sœurs qui ont fui leur ménage et qui ont été mariées par d'autres personnes dans le monde. Vous savez par où ça a commencé? Le péché commence par la convoitise. Les yeux ici, les yeux. Si Dieu ne nous a pas donné des yeux, nous aurions dit être aveugle, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, Dieu nous a donné des yeux. Aujourd'hui, les mêmes yeux commencent à nous faire tomber dans le péché. Tu veux avoir tout ce qui apparaît. Les motos, tu veux en avoir même 12 par mois. La convoitise et la cupidité, ce ne sont pas de bonnes choses. C'est ce qui amène certains frères à faire des choses qu'ils n'auraient pas faites en présence du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, mes frères, Chez nous, nous appelons déplacer la chose d'autrui sans permission, que c'est du vol. Je pense que c'est un vocabulaire biblique. Mais est-il qu'il y a certains frères qui se donnent de la peine entrer en compagnie de personnes qui volent les choses d'autrui et ils appellent cela frapper? Le vrai verbe, c'est voler. Un enfant de Dieu ne frappe pas. Mutoto wa Mungu ashikalake mkufrape. Ne prenez pas les minerais de la société. Apana kubeba ma minerais ya kampuni. Puisque tu es conçu là-bas. Juba na kuweka pale upate kutunga. Et tu te trompes, tu te consoles. Uko na jifariji. Et tu dis, na kunasema, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Wale wanatumia kwa mazabao na kulia kwa mazabao. Est-ce que vous mangez les minerais? Et unakulia kama minerais. Celui qui travaille à l'hôtel, on lui donne à manger à l'hôtel. Wale wanatumika kwa hôtel wanampatia kwa kula kwa hôtel. Mais si tu travailles en cet endroit là. Ne frappez pas. Si Jésus te rencontrait là, tu vas lui dire, pardon Seigneur, je suis venu frapper. Dans cette Bible, il est écrit, ne le savez-vous pas? Que Dieu vous bénisse. Lisons un peu ici. Faites mourir les membres qui sont en vous pour hériter la vie éternelle. Ma soeur, si tu as un mari qui frappe, dites-lui, ce n'est pas propre. Ce n'est pas chrétien. 1 Corinthiens chapitre 6. Oh, au verset 9. Nous lisons ce qui suit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? C'est une lettre que Paul a écrite à nos frères de Corinthe. Ne vous y trompez pas. Ou encore, ne vous consolez pas. Ni les impudiques. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume des cieux. Écoutez quelque chose qui nous console. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Oh, que Dieu soit loué. Oh, mais vous avez été lavés. Nous avons été lavés par la parole de Dieu. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Ne le savez vous pas? Vous le savez, mes frères. C'est pourquoi, pour être né de nouveau, nous devons faire mourir les anciens membres qui étaient en nous. Nous devons renaître maintenant. Et en ce qui concerne la convoitise, vraiment, dans Job chapitre 31, Job, disons un peu quelque chose comme cela. C'est quelque chose qui sont pénétrantes. Je vous lis en deux endroits. Job chapitre 31, verset 1er. Écoutez la première chose. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Amen. Mon frère, ce qui amène la convoitise dans ton cœur, ce sont tes yeux. En voici le remède. Si tu veux éviter cela, une fois que tu vois, retourne tout simplement la tête. Nous tous, nous le voyons. Ce que tu vois, nous aussi, nous le voyons. Mais le remède, la solution biblique, si vous voyez une femme mal vêtue, la solution biblique, c'est de détourner les regards. Ne dites pas, ah, bana mukau mwaka betetuwa. Les femmes cette année vont nous tuer. Batakuwa weye. Ils vont te tuer toi. Un enfant de Dieu. Mutoto quand il voit une femme qui veut le ouer, il va détourner son regard. Anaona mwanamke anapenda kumuua atageuza kichwa. C'est ça la solution biblique. Hii ndio jibu la Biblia. Et pour mes jeunes sœurs. Na kubadada. Quand vous êtes en présence des garçons. Wakati wako mbele ya babiana. Qui vous taquine. Bale beko na bougie. Qui vous provoque. Bale beko na bougie. La solution ce n'est pas de les injurier. Jibu haina kubachambula. La solution c'est de fuir. Jibu ni kubaki. Le prophète dit, fuyez le péché comme fuyant un véhicule qui vient à 100 km à l'heure. On ne combat pas le diable par ses propres armes. Non, une fille de Dieu doit fuir le péché. Et maintenant, oh là là, j'ai laissé quelque chose, permettez, je vais le lire. Toujours dans Job 31, nous sommes ici pour la parole. Nous allons dire ce que Dieu nous permettra de dire. Tu t'as sema kile Mungu ataturuhusu useme. Au verset pamustari 9 à 10. Kenda na 10. Écoutez Job quand il était éprouvé. Il était souffrant. Ses amis le condamnaient d'avoir été un malfaiteur. Il essayait de se disculper, mais on ne voulait pas le comprendre. Et maintenant, il est avancé ses arguments. Il disait que même si on me pose sur les balances de Dieu, Dieu verra que je suis juste. Lisons un peu au verset 6. Que Dieu me ou bien au verset 5. Si j'ai marché dans les mensonges, si mon pied a couru vers la fraude, la fraude, que Dieu me pèse dans les balances juste. Et il reconnaîtra mon intégrité. Un enfant de Dieu doit être intègre. Et au verset 9, il est écrit ceci. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, guetter, allez observer, voir si le mari n'est pas là. Si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma face tourne la main pour un autre, que ma femme tourne la main pour un autre, et que d'autres la déshonorent. Ça, c'était les paroles d'un juste devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en présence de Dieu. Nous devons être intègres. Si la parole de Dieu nous dit, vous devez mourir. Faites mourir. Chacun de nous doit faire l'introspection. Et il doit essayer de voir. David a dit, il a chanté. Il a chanté en disant, sondez-moi, ô Dieu. Sondez ici veut dire surveillez. Seigneur Jéhovah, surveillez-moi. Regarde-moi la nuit, le jour, même quand il fait sombre. Sondez-moi. Dis-moi là où je ne marche pas très bien. C'est pourquoi quand nous écoutons ce message, chacun de nous doit demander au Seigneur, sonde-moi Seigneur. Dis-moi ce qui ne va pas en moi. Dis-moi ce que je suis en train de fausser. Toutefois Seigneur, je voudrais mourir quant aux choses de ce monde afin que j'hérite les royaumes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bwana mbariki. Tutashimama juu ya kuomba.